fort lui. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Ouais, merci. Fil préférence. Option préférence, non ? Je trouve pas. Enfin, là, je suis dans Reaper préférence. Et il y a recording. Recording, field name format for record field. Et c'est ça les machins là. Non ? Ok, vas-y, re-speak. Là, je suis sur Reaper. Ah, faut que j'aille dans Real Ninja Feel. Ah oui, d'accord, ok, je suis con moi. Ah oui! Pardon, excuse-moi, j'ai compris. Save multi-track recording for a remix later. Ouah, j'ai tout enregistré moi et j'en ai une tonne. Faut que j'aille tout effacer. Oh putain. Je me disais putain, mon disque dur il est en train de changer. C'est bon, je l'ai fait, merci. C'est bon, j'ai compris, merci. Parfait, merci. Bah ouais, je vais aller le nettoyer, je sais pas où c'est, alors attends. Mettre à jour. Ah, là, c'est... ah voilà c'est bon. Allez, tu t'en vas ? Elle est partie ? T'es parti ? Ah t'es là ? Je vais aller tout nettoyer. Allez, à bientôt. Salut Titi, merci. Bonne soirée, Trashcan Aid and Zig. Merci.